La communication qui s'adresse à une foule. Une foule. Un grand public. Une notion de propagande. Je pense qu'il y a une notion de propagande. Une notion de propagande, ça veut dire quoi? Imaginons l'ex-système soviétique qui avait défini une communication de masse pour la masse. Il avait conceptualisé un certain type de communication qui pouvait être un geste. Qui devait nourrir la population, former la population. Une communication qui doit nourrir et former la population. Donc il y a une idée d'une sorte d'injonction, d'un devoir de propagation. Okay. Oui. Qui vise surtout à influencer. D'autres? Sur la communication de masse, ça vous renvoie à quoi? Aux médias. Quels médias? Pardon? Tous les médias? Il y a des médias qui visent à une forme d'élitisme. Un livre est un outil, un média de masse. On peut aller discuter. C'est nuancé. Donc, quel média? Oui? Essentiellement la télévision, la presse et la radio. Et certains essentiellement livres. La télévision, la presse et la radio. Et certains livres qui s'adresseraient à... Et certains livres grand public, je suppose. Par exemple, les manuels. Les manuels. Les affiches. La publicité, ici c'est encore sur l'idée d'influence. Il y a peut-être une autre idée aussi dans la communication de masse. Oui? Les réseaux sociaux. On peut aussi en discuter, il y a tout un débat, si c'est une masse ou pas. Mais tout à fait pertinent, c'est-à-dire de toute façon dans les débats de société où on parle de communication de masse, la question des réseaux sociaux, on l'a vu tout à l'heure, apparaît tout de suite. Et les réseaux sociaux ont aussi des répercussions sur la manière qu'on a d'informer, en fait, le rôle de... Donc, oui. Les messages transmis par des personnes publiques ou des politiciens. Les messages transmis par des personnes publiques, comme les politiciens. Oui, il y a cette dimension de public dans un espace public. La communication de masse n'est pas dans un espace privé, c'est un espace public. Encore quelque chose? Oui? La dimension de la technique. Un peu plus fort parce que j'entends pas. La dimension de la technique, il ne faut pas oublier. C'est une communication qui doit se servir de techniques et technologies pour véhiculer des messages. Après, on verra si c'est vraiment véhiculé ou s'il y a des formes d'interaction. Mais la technique est essentielle. Tout à fait. Oui? Via l'enseignement aussi, il y a un enseignement de masse. L'enseignement se fait à travers, disons, un contact qu'on définit in presence. Donc, il y a le face-to-face, d'une certaine manière, si on est là. Mais il peut y avoir un enseignement médiatisé, comme celui du podcast, qui pourrait effectivement nous porter à nous interroger sur le caractère de communication de masse de l'enseignement. D'autres? La dimension économique. Il faut que le message soit accessible au plus grand nombre, donc on thématise aussi la question du public de masse. Et on thématise aussi la question économique, la question de l'argent. Ce sont des industries dans une situation de masse. Ça prévoit un certain type de société. C'est un concept, celui de communication de masse, qu'il faut contextualiser, qu'il faut situer dans le temps et dans l'espace, qui n'a pas toujours existé. Parler de communication de masse au XVe siècle, ce serait anachronique. Merci beaucoup pour vos ces interventions, parce qu'effectivement, cela me permet et me confirme que la définition que je considère comme étant la définition canonique de base du sens commun correspond plus ou moins aux différents éléments que vous évoquez. Généralement, lorsque dans le sens commun, on évoque dans le sens commun, dans une littérature qui n'est pas forcément spécialisée, ou même dans les débats de société, on évoque, on parle de communication de masse, lorsqu'on parle de communication de masse, on pense à un public vaste, hétérogène. Il y a la question de la réception, donc l'idée d'un public, donc d'un espace public. Idée d'hétérogénéité, il faut que ce soit justement une masse, un ensemble d'individus. Il y a des différences. Et l'idée d'une communication publique, c'est-à-dire l'existence d'un espace public, l'existence d'un espace de discussion et de débat. On ne va pas entrer dans le détail des théories, de la théorie habermassienne, de l'espace public et des critiques qui ont été adressées à cette théorie, mais effectivement, l'existence d'une sphère, d'un espace public, discussion est constitutive de l'idée de communication de masse. Lorsqu'on parle de communication de masse, il y a souvent aussi cette idée d'une communication simultanée qui est envoyée en même temps à une multitude d'individus. Et attention, communication simultanée ne signifie pas communication interactive. Ça veut dire qu'il y a un centre émetteur qui envoie une communication de manière simultanée. Il l'envoie de manière simultanée, car la réception peut avoir lieu à des moments différents. On sait à la presse, c'est un média de masse, et la réception peut avoir lieu à des moments différents. Ça n'implique pas l'idée d'interaction. Et d'ailleurs, dans les définitions canoniques et conventionnelles de communication de masse, on parle toujours d'une communication unilatérale, d'un centre à une multitude. Un peu le concept que vous évoquiez tout à l'heure, non, d'influence, mais en quelque sorte unidirectionnelle, qui va dans une seule direction. Il n'y a pas d'interaction. J'ai mis un astérisque car effectivement cette idée d'unilatéralité est remise en question par les recherches qui parlent de toute façon d'une négociation, même dans les formes de communication médiatisées de masse. Mais ça, ce sont des aspects qu'on verra plus tard. Et essentiel, la communication de masse se sert de médias, d'outils techniques, de technologies, d'appareils techniques, les masses médias, qui se fondent sur et nécessite l'existence d'appareils, d'organisations complexes, d'entreprises, d'argent, de ressources. Et donc, ces appareils techniques qui sont indispensables pour l'acheminement des messages s'opposent à la situation de la communication naturelle non médiatisée, qui est directe et qui n'a pas besoin de ce genre de vecteur, qui est défini de manière un peu. Voilà. Donc, grandes organisations, une entreprise de presse, une chaîne télévisée, sont des organisations complexes, dont les activités doivent être situées à l'intérieur des structures économiques, politiques, légales, des sociétés dans lesquelles elles s'inscrivent. Et comme on le verra aujourd'hui, cette définition qui nous paraît assez naturelle est une définition qui est loin. Dans ce cours, moi je voudrais qu'on fasse un travail réflexif justement sur les notions qui nous accompagnent. Cette définition est loin d'être neutre. Et pour vous l'expliquer, vous montrer, je vous propose Alors, tout d'abord, la question de définir la communication de masse. En la situant dans son contexte d'émergence, en situant ce contexte où les différents, ce concept et les différentes dimensions qui le composent dans leur contexte d'émergence. Pour définir la communication de masse, il faut définir la communication, il faut définir le concept de masse, il faut définir aussi les concepts que vous avez évoqués tout à l'heure et je vous ai interrompu. C'est une communication qui s'adresse à une foule, c'est une communication qui s'adresse à un public. Bah, foule et public ne sont pas la même chose. Et ce sont des concepts, encore une fois, qui naissent dans un contexte bien particulier, qui est celui du 19e siècle. Avant, le concept de public n'existait pas. Car la réalité correspondante n'existait pas. On le verra tout à l'heure. Nous verrons ensuite le lien que la communication de masse entretient avec le développement technologique. Les interconnexions qui existent entre le développement technologique et le changement du système et du paysage médiatique et des modalités communicationnelles. Et ce sera la première partie, disons, définitoire, par une définition générale de la communication pour décortiquer petit à petit tous ces aspects, une bonne partie de ces aspects. Deuxième volet sera un volet plutôt historiographique, mais très très général, dans lequel j'essaierai de vous donner quelques points de repère pour que vous puissiez vous orienter lorsque vous lirez la littérature, et pas uniquement dans le cadre de ce cours, consacrée à la communication, pour que vous puissiez situer les ouvrages d'histoire traitant d'aspects communicationnels dans un axe thématique plutôt qu'un autre. Ce sont un peu comme des lunettes. Il y a des grandes orientations, il faut que vous en soyez conscient pour pouvoir prendre du recul par rapport à la littérature critique que vous avez analysée. Et puis, je ne vais pas arriver maintenant sur ça. Et dernier volet, ce sera consacré à un aspect qui a déjà été évoqué, c'est celui de la propagande. Donc, l'identification fréquente se sont faites entre communication de masse et propagande. Donc, propagande en tant que communication qui se veut persuasive. Et alors, pour aborder ce troisième volet, dans lequel tout ce qu'on verra dans les deux premières parties se mélange d'une certaine manière, je focaliserai l'attention sur l'histoire du mot, à l'aspect sur lequel on reviendra dans le cadre de ce cours. Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction, pour montrer que finalement, la propagande en tant que pratique destinée à la communication persuasive, porte à des transferts extrêmement fréquents entre la sphère économique, la sphère politique, la sphère militaire, la sphère religieuse. Donc, encore une fois, sortir du sens commun de la propagande, de ce mot, pour essayer de le décrypter, de le décompliquer à la lumière de son histoire. Okay? Alors, première question, définir la communication de masse. On a déjà essayé de faire cet exercice tous ensemble, donc on a une idée plus ou moins claire de ce qui, dans le sens commun, est la communication de masse. Je ne m'attarderai pas trop sur la définition du concept de communication. Communication vient du latin communicatio, communicationis. Ça désigne une action de partage, partager et de faire part, de communiquer justement. Donc, c'est une expression qui implique une idée de transmission d'informations, mais aussi d'échange. Lorsqu'on parle de communication, on désigne généralement une action, l'action de transmettre des idées, ce qui présuppose l'existence d'un centre émetteur, d'un émetteur, d'un récepteur. J'utilise les mots de la théorie mathématique de l'information, donc lui est plus officiel, mais pas la seule. Ça suffit. Donc, action de transmettre des idées, mais ça désigne aussi les moyens qui permettent de communiquer, de publier. Médias qui peuvent être, selon le contexte, des moyens de communication dans le sens des médias, des vecteurs d'une communication médiatisée, mais qui, par exemple, pour l'histoire qui précède le processus d'industrialisation, etc., concerne aussi l'histoire des voies de communication. Avant l'émergence des médias de transmission à longue distance, c'était les voies, les routes terrestres, maritimes, etc., qui permettaient le transfert d'idées, la transmission d'idées. Donc, une histoire de la communication au sens large concerne aussi l'histoire des routes, des voies de communication, des échanges entre les individus à longue distance, de la cartographie, de la représentation du monde, de la langue, de la culture, etc. Or, ce qui définit la spécificité de notre domaine d'étude, disons, communication de masse, c'est un concept bien précis. Fait la spécificité de la communication de masse et c'est justement le concept de masse. La communication de masse, pas la communication au sens large, c'est une communication qui s'adresse à un public vaste et hétérogène, qui implique un concept de publicité, qui implique un concept aussi d'influence. D'unilatéralité, de simultanéité, qui se servent de médias, d'organisations complexes, et qui naît dans un contexte bien précis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition que j'ai montrée est une définition qui n'est pas du tout neutre. Elle n'est pas du tout neutre, et elle renvoie à un contexte et à une image bien précise, bien précise. Il y a une notion bien précise, qui est la notion de communication, de société de masse, qui renvoie à la perception que les classes dominantes de la fin du 19e siècle avaient des transformations qui étaient en cours à l'époque dans le monde occidental, des transformations qui voyaient, du point de vue des classes dominantes, l'émergence d'un nouvel acteur. Qu'elle définissait comme étant la masse. Donc, cette idée de masse est le résultat d'une perception bien particulière, dans un contexte bien particulier. Eh bien, la communication de masse est strictement liée à la notion de société de masse. La révolution de l'électricité, avec l'introduction de procédés de production à large échelle, les nouvelles formes d'industrialisation industrielle, qui accélère un processus d'urbanisation qui avait commencé depuis la révolution industrielle et qui fait converger, confluer une grande masse de main-d'œuvre dans les villes. C'est le processus d'urbanisation sur lequel je ne vais pas m'attarder. Mais suite à cette transformation, un grand nombre d'individus se trouvent rassemblés dans un espace restreint dans lequel, dans une situation dans laquelle, le rassemblement cesse de devenir une exception pour devenir un élément constitutif de la quotidienneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le lieu de travail, dans les grandes industries, dans les usines, mais aussi dans les lieux d'achat, pensons à la naissance des grands magasins, il y a le développement d'un sentiment de condition commune. Les gens partagent, dans tous les pays industrialisés, il faut le dire, il y a le développement de ce sentiment de conditions communes qui porte à l'émergence de ce qui est perçu par les classes dominantes comme étant la masse. Essayons d'en donner une représentation visuelle. Ici, vous voyez des ouvriers qui s'apprêtent à monter dans un wagon de troisième classe dans une gare. Ça, c'est une représentation typique de la masse de la fin du 19e. Qu'est-ce qu'on voit? Dans ce tableau, on voit des ouvriers. Ils sont tous habillés de la même manière. Donc, l'idée d'uniformité. Individus, mais il y a des individus, mais en fait, on ne distingue pas les différences. Ils sont tous égaux, ils sont tous des travailleurs. Vous comprenez? Parce qu'ils montent dans un wagon de troisième classe. On est dans un espace sombre, mais qui est quand même éclairé par l'électricité, donc innovation du 19e siècle. Et dans ce tableau, on ne voit pas l'identité des personnes, on voit juste une masse d'individus qui bougent à l'intérieur d'une gare. Donc, on est dans un contexte de travail, on voit très bien. Et on est dans un contexte où l'identité des individus manque. C'est l'uniformisation. L'uniformisation de la masse, ce qui est défini comme ça, et être le prolétariat industriel. Ce n'est pas par hasard si toutes les représentations de la masse renvoient à la dimension de l'usine. Ici, c'est une autre représentation intéressante et importante aussi dans une histoire de la communication et aussi des médias, car ça, c'est la sortie des usines, des frères Lumière. C'est le premier film de l'histoire qui représente, justement, à la fin du 19e siècle, la masse des ouvriers qui sortent d'une usine. Eh bien, la question du travail, comme je le disais tout à l'heure, est une question essentielle. C'est-à-dire que le fait de se retrouver à travailler coude à coude avec des gens qui ont exactement les mêmes problèmes, qui vivent la même situation, fait développer le sentiment d'une condition commune. Et comme je le disais tout à l'heure, dans tous les pays industrialisés, ces transformations se traduisent par la montée massive du prolétariat industriel, c'est-à-dire d'une classe ouvrière, et à partir du milieu du 19e siècle, s'arme de moyens d'action nouveaux, comme par exemple la grève, qui est un outil d'action politique qui présuppose l'existence d'une organisation, d'une coordination, et qui auparavant n'existait tout simplement pas, ou encore des formes inédites d'autorisation pour revendiquer leurs droits. Émergence au 19e siècle des syndicats et ensuite des partis politiques, surtout les partis ouvriers qui sont les premiers partis, justement, de masse. Car leur objectif, dans le long 19e siècle, qui est un siècle dominé par la bourgeoisie, est justement de donner une visibilité à ces mouvements et créer, produire des formes d'organisation qui permettent de mobiliser des larges masses de population à des fins politiques de transformation de la société ou de révolution. Alors, on parle des organisations politiques, on parle des syndicats, on parle des partis de masse, mais attention, c'est la raison de l'astérisque que j'ai mis à côté de l'élargissement du suffrage, cela ne signifie pas que le droit de vote soit un droit reconnu. Comme vous le savez, le principe « une tête, une voix » est l'une des revendications essentielles de cette période, mais ce droit, dans la plupart des pays, ne sera octroyé qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et seulement aux hommes, et il faudra attendre la fin de la Deuxième pour que, dans la plupart des pays, les femmes aussi soient admises à voter. Donc, lorsqu'on parle d'élargissement du suffrage à cette époque, il faut être bien conscient du caractère relatif de cet élargissement. En tout cas, c'est vrai que la base électorale s'élargit progressivement, ce qui fait que, à la fin du 19e siècle, la masse commence à devenir un enjeu politique et économique, ce qui fait apparaître une nécessité nouvelle pour les tenants du pouvoir politique et économique, c'est-à-dire la nécessité de gouverner les masses, aussi sous l'angle des formes de persuasion. Donc il faut, les classes dominantes doivent se poser le problème de l'orientation des masses. Gouverner aussi sous l'angle des formes de persuasion afin d'éviter les problèmes et les désordres sociaux qui font peur. Pourquoi font-ils peur? Parce que les classes dominantes n'ont pas trop intérêt à perdre leurs privilèges. C'est quelque chose qui apparaît déjà après. après des révoltes, des grèves, c'est vraiment progressif. Tout à fait. Alors, l'image suivante me permet de vous répondre tout de suite. Alors, le 19e siècle est un siècle qui a été défini, on le verra la prochaine fois, par l'historien britannique Eric Hobsbawm, comme le siècle des révolutions. Il est marqué par les secousses répétées qui suivent la Révolution française. C'est aussi un siècle qui peut être défini comme le siècle d'émergence de la bourgeoisie, classe dominante qui garde le pouvoir tout au long du XXe siècle à travers un système bien précis, celui du suffrage censitaire. Donc l'agenda politique est défini par la bourgeoisie qui s'est servie des masses pour faire la révolution, notamment la Révolution française, et qui essaye de garder le pouvoir tout au long du XIXe siècle. Mais ce siècle est marqué, comme je le disais tout à l'heure, par ces vagues de révolution. Et les vagues révolutionnaires font peur. Et surtout à partir du milieu du XIXe siècle, on assiste à l'émergence aussi du mouvement ouvrier, c'est-à-dire cette masse de travailleurs commence à revendiquer les droits. Et bien évidemment, cela a créé une situation conflictuelle. Mais ceux qui définissent l'agenda ne sont pas les travailleurs sans droit, exploités, qui essayent de revendiquer leurs droits, mais ce sont justement les classes dominantes. Et la peur est la peur de la foule. Elle a peur, justement, de la foule révolutionnaire, qui n'est pas celle qu'on voit, par exemple, dans cette image de Gênes de la Croix, qui est généralement utilisée pour parler des révolutions libérales. C'est une image qu'on analyse souvent en tant qu'emblème de 1830, la liberté guidant le peuple, c'est cette allégorie, donc ce n'est pas une femme en chair et en os, la Marianne qu'on voit ici, c'est plutôt une allégorie qui doit représenter les révolutions libérales. À l'époque des révolutions libérales, la masse c'est quoi, selon la perception de ceux qui définissent l'agenda? La masse c'est celle qui est derrière, on ne la voit pas. Elle est une masse absolument indistincte. Vous voyez? C'est ça la masse. Et la masse fait peur. La masse, on peut la manipuler, on essaye de la manipuler, mais elle est aussi une menace pour la bourgeoisie, d'une certaine manière, qui ne veut pas perdre son pouvoir. La masse est considérée et définie au XIXe siècle par une expression bien précise que quelqu'un d'entre vous a utilisée tout à l'heure, les médias qui s'adressent aux foules. En fait, lorsqu'on parle de foule, on parle d'une réalité bien précise. Ce n'est pas la masse telle qu'on la conçoit aujourd'hui. La foule est synonyme à cette époque de foule révolutionnaire, de foule émeutière. Ceux qui sont derrière, ceux qui font les révolutions mais qui restent dans l'anonymat, qui peuvent être manipulés, utilisés, mais qui font peur, finalement. Il faut les maîtriser. OK? Et c'est justement à cette époque, et en raison des transformations dont j'ai parlé, donc l'émergence aussi des formes d'organisation du mouvement ouvrier, que se développe aussi toute une littérature obsédée par là. La foule est définie par un monsieur qui s'appelle Gustave Le Bon et dont on parlera en long et en large la prochaine fois, comme un faisceau de contagion psychique produit par des contacts physiques. Alors, si vous lisez cette petite citation de la psychologie des foules, un livre qui deviendra un best-seller et qui est, il faut le dire, basé sur un grand plagiat, d'un ouvrage d'un criminologue italien dont on parlera aussi, si on lit ce passage, quelle est la perception qu'on a de la foule? Déjà, quel type de vocabulaire? Oui. Une masse à mort, oui, mais l'idée des mots, c'est un faisceau de contagion. C'est positif ou négatif? C'est négatif. Négatif? Oui. C'est négatif. C'est du vocabulaire médical. Alors, la métaphore médicale, comme d'ailleurs la métaphore animalière, qui est comme utilisée aussi pour définir la foule, les moutons, non? Est largement utilisée en tant qu'outil rhétorique. Pour discréditer, c'est un faisceau de contagion psychique, une contagion, une maladie, produite par des contacts physiques. Le fait que les gens se trouvent à partager le même espace aurait des répercussions lourdes sur leur manière de se comporter. Les gens deviennent fous lorsqu'ils sont dans une foule, selon les théories de l'époque. Et comme je le disais tout à l'heure, On assiste à cette époque justement au développement de toute une littérature obsédée par l'idée des foules révolutionnaires, des foules émeutières. On a vu l'image tout à l'heure de la croix, mais si on pense aux publications de la fin du XIXe siècle, les ouvrages comme la psychologie des foules, la foule criminelle, l'idée de l'association entre la foule et le crime sont extrêmement fréquents. C'est d'ailleurs à la fin du XIXe siècle qu'on assiste au développement aussi de nouvelles disciplines comme la criminologie. La criminologie s'intéresse au caractère criminogène, en bonne partie, des foules. La statistique sociale, toutes les disciplines qui sont liées aux formes de déviance liées aux foules. Ou encore la psychologie des foules de Gustave Le Bon qui deviendra, comme je disais tout à l'heure, un best-seller qu'il a publié jusqu'à nos jours. Et en fait, face à la montée des classes qui sont perçues comme dangereuses par la bourgeoisie, c'est vraiment l'idée des classes laborieuses, classes dangereuses. Plein d'ouvrages apparaissent qui traduisent cette peur des foules impulsives, irrationnelles, irritables, incapables de raison et d'esprit critique. Et ça, c'est la première image de la foule, un concept qui est associé à la communication de masse. Okay? Certainement à l'idée de masse au moment de son émergence. Mais le XIXe siècle n'est pas uniquement caractérisé par ce genre de transformation et donc par ce genre de concept. Le XIXe siècle voit aussi des transformations importantes dans le système médiatique qui sont à l'autre liées au processus d'industrialisation et qui portent à l'émergence de nouvelles notions associée à l'idée de communication de masse. Une notion qui a été utilisée dans les définitions que vous avez données au début et qui apparaît également à la fin du XIXe siècle et qui est complémentaire à celle de la foule est la notion différente du public. Public et foule ne sont pas des synonymes. Si la foule est un faisceau de contagion produit par les contacts physiques, le public est autre chose. Ce n'est pas la situation de présence dans un même espace qui définit un public. Un public est, selon un monsieur qui s'appelle Gabriel Tarde, et qu'il faut absolument lire, car c'est celui qui met les bases pour toutes les recherches jusqu'aux plus récentes sur la réception, sur les publics, sur la communication et les sciences de l'information et de la communication. Selon Tarde, un public est une chose complètement différente de la foule. C'est une dissémination d'individus physiquement séparés dont la cohésion est toute mentale. Et pourquoi cette cohésion mentale? Parce que, en raison des transformations économique, politique, sociale, qui caractérise le XIXe siècle, il y a une pratique individuelle, qui est la pratique de la lecture, qui peut se généraliser en ayant à disposition des nouveaux médias, qui sont des médias de masse, c'est-à-dire la presse. La presse. Tarde nous dit que le public n'a pu commencer à naître qu'après le premier grand développement de l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle. Le transport de la force à distance n'est rien comparé à ce transport de la pensée à distance. Donc il y a cette idée de simultanéité de lecture qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est renforcée, selon Tarde, par les inventions techniques de la fin du XIXe siècle, qui produisent une sorte de contagion sans contact. Rapidité dans le transfert d'informations et diffusion des mêmes contagions. voit que même en termes de représentation visuelle, ce monsieur qui lit son journal est bien différent de la foule qu'on voyait derrière la représentation de la liberté dans le peuple. Le public est lié à une pratique individuelle qui est celle de la lecture individuelle de la presse et qui est liée aux innovations technologiques de la fin du 19e siècle qui permettent justement le transport de la pensée à distance. Donc, parler du public nous porte à thématiser un autre aspect de la communication de masse et de la société de masse qui est, encore une fois, lié aux transformations de la révolution industrielle. C'est-à-dire que la révolution industrielle n'est pas seulement à l'origine de toutes les transformations dont on a parlé tout à l'heure, mais elle est aussi à l'origine de l'émergence de nouveaux médias, de nouvelles formes de transmission de la communication. L'émergence, par exemple, de l'industrie chimique, qui pose les bases pour le développement de supports techniques et de la communication de masse. Ou encore, l'exploitation de l'énergie électrique, qui change complètement le paysage urbain dans la dimension publique, par exemple la dimension des villes qui commencent à être traversées par des réseaux électriques, des chemins de fer, éclairés à jour par des lampes lumineuses, etc. Et on en voit un exemple dans cette image, qui est une image encore une fois de science-fiction, de Calder Rovida, dans laquelle on voit Paris, on voit des aérotaxis qui manœuvrent habilement dans les ciels entiers de Paris. Mais en fait, cette transformation du paysage médiatique se répercute aussi sur les pratiques individuelles par rapport aux médias. Par exemple, la lecture, la possibilité de lire le soir grâce à l'électricité. Donc, elles ont des répercussions aussi sur la dimension privée. Et ce sont des transformations qui marquent profondément l'imagination des contemporains. Or, la deuxième moitié, la seconde moitié du 19e siècle est effectivement marquée par l'apparition des grandes techniques de communication, de télécommunication comme le télégraphe électrique, le câble sous-marin, le téléphone, donc qui permettent une transmission extrêmement rapide. Télé, c'est la distance, à distance. Donc une écriture à distance rapide, une transmission du son extrêmement rapide à distance. La photographie qui permet d'enregistrer aussi des supports visuels. Donc c'est une évolution dans les formes de conservation du savoir, mais aussi de la dimension visuelle. On peut reproduire des images, ou alors encore le cinéma, le phonographe, le télégraphe sans fil ou radio, dont les premières expériences remontent justement à la fin du 19e siècle. Et donc, on peut dire que de ce point de vue-là, celui des technologies de la communication, le 19e siècle voit la mise en place de réseaux qui encerclent la planète et qui, pour la première fois, apporte aux contemporains l'expérience d'un transport extrêmement rapide de l'information. Donc, rapidité d'information, c'est un élément clé de la communication. C'est cette illusion de simultanéité qu'on avait vue dans la définition initiale. Et également la possibilité de diffuser des informations ou des contenus, surtout imprimés, à un prix toujours plus bas, auprès d'un nombre croissant de destinataires, donc élargissement du public. Émergence même d'un public. Donc, le progrès technique permet d'accroître la rapidité de transmission et de multiplier les destinataires, ce qui contribue, selon les contemporains, à transformer les esprits individuels en un esprit de masse grâce aux formes de communication. Voulez-vous qu'on fasse une pause? Alors, 5 minutes, ok? L'histoire des contenus, d'une certaine manière, est la plus ancienne. Et l'histoire des contenus nous renvoie à une pratique assez importante. C'est-à-dire que pendant longtemps, les historiens se sont intéressés essentiellement au contenu et au discours des médias, et surtout au discours de la presse, d'un média bien particulier, qu'ils ont commencé à considérer comme une source historique qui pouvait les aider dans leur travail d'historien, sans trop mettre en perspective la presse. Si vous pensez à un journal, et même aujourd'hui, en tant qu'historien, on utilise beaucoup la presse en tant que source, mais en tant que source qui nous donne des informations. Ce qui présuppose un regard assez particulier sur la presse, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la presse serait un reflet de la réalité. Or, on sait bien que la presse comporte toujours un travail de mise en perspective de la réalité, de sélection, de l'agenda. Donc, la presse est loin d'être un reflet de la réalité. Mais c'est vrai que la presse nous donne quand même pas mal d'informations. Pensons par exemple à l'usage de la presse pour affiner la chronologie. La presse quotidienne nous donne une sélection, certes, mais elle nous permet de voir quels sont les événements médiatisés bah, tous les jours. Donc, un historien peut très bien se servir de la presse en tant que source. Et ça, c'est le premier usage que les historiens ont fait, si on le regarde dans la diapositive. La presse en tant que source qui permet d'affiner la chronologie, qui permet de reconstruire ou d'avoir, de savoir qu'à une telle époque, certains événements se sont déroulés. C'est une histoire qui se focalise sur les contenus, pas sur la mise en forme, essentiellement sur les contenus, et qui présuppose cette idée de reflet de la réalité. Cela dit plus récemment, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, que les historiens ont commencé à s'intéresser, non pas uniquement au quoi, mais aussi au comment. La manière dans laquelle les médias, tous les médias, parce que le paysage médiatique entre-temps a changé, représenter la réalité de leur époque. Donc, non plus l'idée du média comme reflet, mais les médias comme moyen d'une représentation et une mise en forme de la réalité, ouais, par certains acteurs sociaux, s'adressant à des publics particuliers, avec des buts bien précis. Et donc, ce qui a commencé à émerger est une histoire des représentations, c'est-à-dire les médias sont des sources historiques qui nous donnent des informations sur la réalité, mais aussi sur ce qui médiatise la réalité. Aussi sur la manière de représenter la réalité. Aussi sur les formes de communication persuasive, la propagande, par exemple. Et donc, il y a cette conscience qui est due aussi au développement des sciences de l'information et de la communication, des médias en tant que de représentation et de mise en forme de la réalité. C'est un changement assez important. En sachant, il faut savoir que si on pense à l'historiographie contemporaine, le courant de l'histoire des représentations, dans l'ensemble des histoires de la communication, est un courant nettement majoritaire. Il y a beaucoup de recherches sur l'histoire des représentations. Il suffit de faire une recherche dans Cible Plus, même en termes de mémoire. Ce sont des sujets qui sont fort... Il y a beaucoup de travaux sur l'image de la nation dans la presse. Toutes les recherches sur l'image, sur la représentation d'eux, dans une idée assez claire des caractéristiques de ce mouvement, qui se focalisent sur le comment on représente les choses, en présupposant une idée que cette représentation a une influence sur l'opinion. Juste comme pour vous donner un exemple de ce passage de l'idée du quoi. Autrement, on peut prendre la manière d'aborder une source, par exemple une affiche comme celle de l'Anse des Armes de 1917. Si on se limite à analyser le contenu, on peut dire que c'est une affiche de recrutement de 1917, recrutement pour l'armée américaine au moment où les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale à travers l'usage d'une image, celle de l'Anse des Armes, qui a une longue tradition et qui présente certaines caractéristiques. Le contenu, c'est une approche plutôt descriptive. Si on prend par contre la perspective de l'histoire des représentations et encore plus si on se focalise sur la question du comment on représente, on découvre que cette image non seulement présente certaines caractéristiques visuelles au niveau figuratif, l'image représentée, qui a une allégorie, effectivement, une image de la nation, celle de l'oncle Sam, qui a une certaine tenue vestimentaire avec les couleurs du drapeau des États-Unis, mais on voit que cette image présente aussi, d'un point de vue plastique, certaines caractéristiques, et plus particulièrement la caractéristique de l'interpellation qui est typique de l'affiche de recrutement et pas uniquement dans ce contexte, qui nous montre que l'univers des images est l'univers dans lequel les questions de mémoire visuelle sont extrêmement importantes, qui nous fait réfléchir sur le caractère propagandiste de cette image. Ça, c'est une image qui doit persuader les gens à s'engager, à s'investir, etc. Et qui, pour ce faire, récupère des images qui existaient déjà, comme là, cette affiche de 1914 qui représente Lord Kitchener, le ministre de la guerre au Royaume-Uni, où on a exactement le même type de schéma visuel et le même type d'interpellation verbale. C'est toujours, on s'adresse au public, au spectateur, et qui migre d'un contexte à l'autre jusqu'à nos jours et qui définit un genre de bien possible. L'histoire des représentations nous oblige à sortir ces sources pour comprendre l'environnement dans lequel ces sources se produisent, le contexte. Contexte aussi médiatique, contexte visuel, les motivations, et à essayer de s'interroger aussi sur les transferts d'un domaine à l'autre. Ce genre de schéma visuel migre d'un contexte à l'autre, mais aussi d'un domaine à l'autre, et d'une idéologie à l'autre, et du domaine politique au domaine commercial, au domaine culturel. Ici, on est dans un contexte complètement différent, c'est celui de la guerre d'Espagne, dans cette image qui donc a des caractéristiques idéologiques, politiques, de contextes différents, mais qui récupère, à raison de l'efficacité présumée du procédé de l'interpellation, le schéma qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à, pour ceux qui aiment le hard rock, ces images de Jane Simmons qui pointent son public en récupérant une chanson célèbre du groupe rock pour fêter à l'occasion du 35e anniversaire du groupe et qu'on retrouve dans les affiches antimilitaristes américaines plus récentes. Donc, cela nous montre la transversalité de certains effets. Travailler sur le comment implique aussi sortir des sources pour voir ce genre de nuances. Donc, ça, c'est le premier volet, de manière très synthétique. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça vous arrivera de lire des ouvrages d'histoire qui traitent de communication, eh bien, vous comprenez quelle est l'approche en essayant de mettre ce genre de choses. Deuxième volet, c'est la question de l'histoire des médias. Quel canal? L'histoire des médias a également changé dans le temps. Il y a un premier temps qui coïncide avec celui de l'histoire des contenus, pendant lequel les médias sont vus comme des vecteurs de contenus. Donc, encore une fois, il est un reflet de la réalité. Et pendant ce premier temps, effectivement, les histoires, il n'y a pas trop de différence entre l'approche, disons, dans l'usage des sources. Les sources médiatiques sont considérées comme un reflet de la réalité. Deuxième approche qui a émergé surtout déjà après la Première Guerre mondiale, on commence à avoir des ouvrages qui se focalisent sur l'impact d'une technologie sur la société. Après la première grande explosion, au moment d'explosion propagandiste de la Première Guerre mondiale, il y a toute une série d'interrogations qui surgissent, de débats intellectuels. Et c'est à cette époque que les premières réflexions sur l'impact des médias sur la société commencent à avoir une grande diffusion. Bien évidemment, les recherches sur l'impact des technologies sur la société, technologies de l'information et de la communication, concernent au début la presse, mais bientôt, dans l'entre-deux-guerres, on commence à voir des ouvrages sur l'influence de la radio, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, sur toute une littérature sur la télévision. Vous voyez que cette deuxième approche, qui est celle de l'influence, est une approche assez média-centrée, c'est-à-dire qui focalise l'attention sur le média et sur la question de l'influence. idée d'une influence importante de la communication. Généralement, on reconnaît ces ouvrages aussi du titre qu'ils ont, Histoire de la presse, Histoire de la radio, Histoire de la télévision. L'approche est généralement focalisée sur un seul média et sur ce genre d'aspect, axé sur les technologies et leur influence sur la société. Et puis, troisième courant, plus récent, c'est le courant, disons, dans lequel aujourd'hui on a centré la plupart de la littérature sur les technologies de la communication, essaye plutôt de voir quelles sont les interactions entre les médias en tant que technologie de la communication et les usages sociaux. C'est un peu l'idée de dire que il n'y a pas que l'influence de la technologie sur la société, il y a aussi toute une série d'usages, d'appropriation qui peuvent conditionner aussi la nature du média lui-même, l'usage du média lui-même. Ça, c'est le courant, je dirais, aujourd'hui, plus répandu. Et tellement répandu que, effectivement, on commence finalement à avoir des traces de ce genre d'approche aussi dans la culture de masse. J'étais assez surprise en lisant le dernier Aimé d'Aspirou, qui n'est certainement pas une source scientifique, mais que je vous conseille de lire car il est assez intéressant à lire de manière critique et pas comme si c'était justement une étude scientifique. Mais effectivement, on voit que les approches des historiens et des chercheurs migrent aussi dans la culture de masse, et c'est très intéressant de voir que par exemple ce numéro n'a pas du tout une perspective déterministe sur les médias. Bon, ça peut paraître un peu gros de parler de Spirou comme ça, mais en fait, on voit qu'il y a la tentative de montrer les différents usages qui peuvent être faits d'un même média. Donc, d'aborder, de multiplier les perspectives. Ce qui est typique de la littérature plus récente sur les médias. Et donc, par exemple, il y a des BD qui concernent pas mal ces réseaux sociaux, donc Facebook est au cœur des BD, et on retrouve l'image de Facebook comme presque le moteur du printemps arabe, ce qui est une vision déterministe, bien évidemment, puisque c'est pas Facebook, mais en faisant dialoguer ce point de vue avec un point de vue exactement opposé de Facebook, non pas comme outil libératoire qui permet une communication, une dissidence, le développement d'une parole libre, mais au contraire, Facebook en tant qu'outil de contrôle et de vente de données et d'informations personnelles au régime publicitaire et ainsi de suite. Donc des aspects qui coexistent et qui montrent la complexité des analyses qu'on doit et qu'on peut faire. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect, mais c'est un peu pour vous donner des points de repère, de vous montrer que ce genre de débat ne sont pas des débats qui concernent des choses particulièrement à taille courte, mais ils se répercutent aussi sur l'environnement médiatique, le paysage médiatique qui nous entoure. Un exemple, par contre, un peu plus daté, de ce lien entre technologie et demande sociale et de l'exigence ressentie par les historiens de sortir des approches déterministes est celui du développement des formes de communication à distance, de la télécommunication. Il y a Patrice Clichy qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des technologies de la communication, et on sait que les premières formes de communication à distance et les formes de télégraphe ont été élaborées à partir du XVIIIe siècle dans un contexte et dans le cadre de projets qui avaient une destination bien précise. C'est-à-dire que les premiers projets de communication à distance, et plus particulièrement le projet de télégraphe optique, était conçu dans les premières élaborations, surtout pour une forme de communication bien particulière, c'est la communication galante et amoureuse. C'est-à-dire, et ce n'est pas par hasard, si on parle au tout début de ce transparent de télépathie, la transmission des passions. Pas la télépathie, celle qu'on pense, mais l'idée de pouvoir transmettre les passions à travers un outil de communication à distance. C'est un chapitre très intéressant de l'histoire de la communication moderne où il réfléchit. Quelles sont les caractéristiques pratiques qui sont conçues par les premiers inventeurs qui s'occupent d'élaborer des dispositifs techniques de communication à distance, donc télégraphe, écriture à distance, optique, qu'on puisse voir. Quelles sont les caractéristiques techniques? Les premiers appareils de télégraphe optique ressemblent plus ou moins à ça. Donc, c'est l'idée de permettre à des amoureuses de se transmettre leurs sentiments à travers un système de petites maisons qui utilisent un code sur lequel il y a des bras qui se déplacent et qui permettent de transmettre des informations à longue distance. Ceci présuppose, c'est un télégraphe optique, que sur le trajet de l'information, il y a des gens avec des lunettes qui regardent de très loin et qui transmettent au poste suivant. Vous comprenez que la communication amoureuse, qui est par définition discrète, se marie mal avec un dispositif de telle sorte. Et donc, l'usage qui était prévu, ou mieux, le dispositif conçu à l'origine pour permettre une communication amoureuse ne sera pas réalisé au niveau du siège dans ce genre de port. Mais il faudra attendre qu'il y ait une demande sociale dans le dispositif pareil à toute autre fin. Et donc les amoureux continueront à communiquer en utilisant le téléphone à ficelle ou le téléphone des amoureux. Et il faudra attendre donc la Révolution française pour que l'exigence de développer dans un espace national une communication qui se diffuse du centre à la périphérie avec une grande rapidité, que il faut attendre de la Révolution française pour que ce dispositif qui sera réellement réalisé se diffuse et se concrétise réellement. Plus ou moins pour toutes les technologies de la communication, on connaît ce genre de itinéraire, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre la conception d'un dispositif et son usage concret. Pensons au téléphone, il y a tous les projets qui ont été élaborés pour utiliser le téléphone en tant qu'outil de communication de masse. Ce qui pour nous aujourd'hui représente un outil classique, désormais, de communication point à point, au départ, était pensé pour être un outil de communication de masse. Le projet de théâtrophone, qui était censé relier l'opéra à toute une série de postes téléphoniques, non pas pour communiquer, hein, c'était pas de l'interaction, c'était pour écouter, portera à l'élaboration de toute une série de projets, projets tellement importants qu'ils se concrétiseront. Regardez cette affiche, c'est une affiche de Jules Chéret, donc l'un des plus importants affichistes de conversion de la fin du 19e siècle, dans laquelle on voit une chérette, ce sont les femmes représentées dans les affiches de Chéret, qui sont très belles, généralement habillées en jaune, et qui écoutent l'opéra au téléphone. Il n'y aura pas une demande sociale suffisante sur l'outil. Là, le téléphone se développera plus tard un cours de communication. Donc c'est très important, ce n'est pas uniquement la technologie qui conditionne la société, mais c'est aussi la société qui conditionne le développement de la technologie. Et ça, il faut en être conscient, pour les historiens en être conscient. Troisième volet, la question du qui. La question du qui. Pour le dire de manière synthétique, alors jusqu'ici on a l'histoire des contenus, des représentations, ce qu'on voit, c'est le courant majoritaire. L'histoire des médias, c'est également un courant très important, l'histoire surtout du point de vue des technologies. Par contre, l'histoire des acteurs est une histoire qui s'est développée plus tardivement. Ce n'est qu'à partir des années 80-90 qu'on assiste à l'histoire, par exemple, des professions liées à la communication. Et même aujourd'hui, je dirais que ça reste un courant plutôt minoritaire. Même si, c'est extrêmement important, car ça permet de sortir d'une vision désincarnée de la communication de masse. La communication de masse implique une dimension matérielle très importante. Il y a des professions qui naissent et autour de la communication qui se constituent. Toutes les études sur la professionnalisation, sur l'émergence de professions particulières, le passage des écrivains aux journalistes, par exemple, la naissance du publicitaire, l'émergence de tous les métiers de l'information et de la communication, et bien évidemment aussi l'histoire de ceux qui font de la communication, qui produisent de la communication à des fins différentes. Donc, les partis politiques et leur communication, l'étude de la propagande étatique, des parvient un acteur de communication qui mobilise les professions. Ça, c'est un autre courant. Donc, la perspective, vous le voyez, est différente. Elle n'est pas axée uniquement sur les contenus et les représentations, pas uniquement sur l'influence des médias sur la société, mais plutôt sur les compétences requises pour communiquer. Or, je ne parlerai pas de la question des publics, car effectivement, c'est le point aveugle des études à l'histoire de la communication. Je vous dis juste que le premier colloque sur historien sur l'histoire des publics date de 2008 à la Sorbonne. Les actes ont été publiés dans un volume très intéressant sur la réception des objets numériques, très consultable ici à l'UT, mais comme pour le reste de la recherche en communication, la question du public reste la plus problématique. En revanche, beaucoup d'études sont consacrées à la question du contrôle, à la question de la propagande, de ce qu'on appelle, ce qui appelait la propagande. La question du contrôle, la question du contrôle des médias, qui contrôle quoi, et l'histoire de la propagande. À ce sujet, il faut savoir que la plupart des histoires de la propagande se focalisent jusqu'ici, surtout sur deux aspects. D'un côté, les guerres de masse du XXe siècle, et de l'autre côté, les dictatures du XXe siècle. Comme j'essaierai de vous montrer dans le cadre de ce cours, l'histoire de la propagande est quelque chose de nettement plus vaste que cela. Donc il faut aussi essayer de sortir du sens commun de ce vocabulaire qui fait de la propagande une forme de communication qui s'identifie uniquement aux régimes dictatoriaux et aux situations de guerre, pour essayer d'élargir la perspective et pour essayer de situer cette analyse de la communication dans son contexte, en voyant comment certains acteurs véhiculent certains contenus à travers certains médias à des fins différentes, dans une finalité persuasive. Alors, lorsqu'on parle de propagande, en fait, la première image qui vient à l'esprit est effectivement celle des dictatures du XXe siècle. Et si je vous montre l'image d'Hitler qui parle devant une foule, vous pensez immédiatement à une dimension de propagande. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de communication de masse, on a dit, communication des dictatures, la volonté d'indoctriner. Et effectivement, ça, c'est l'image la plus courante qui mobilise tous les concepts qu'on a évoqués jusqu'ici, parce qu'on a une dimension de masse, on a une foule, il y a la mobilisation de l'ensemble des médias, donc la pertinence du concept du public. Alors, ce que je voudrais vous montrer dans le cadre de ce cours, est que la propagande aussi, n'est pas un ensemble monolithique. Propagande est un mot valise qu'il faut apprendre à déconstruire et donc il faut situer l'histoire dans ses différents contextes et donc il faut connaître l'histoire. Non seulement l'histoire de la propagande, mais l'histoire du monde. Comme je le disais au début, la propagande fait partie aussi des mots qui sont largement utilisés aujourd'hui pour définir un certain type de pratique communicationnelle de nature persuasive. On l'associe souvent à la dimension politique. Mais en fait, déjà, si on regarde l'histoire de la propagande, on découvre que le contexte d'émergence du mot est le contexte plutôt religieux. La première occurrence du mot propagande est dans la congrégation des propagandas fides, c'est un adjectif qui est utilisé en gérondif, et c'est dans le domaine religieux. Ensuite, comme on le verra dans l'une des séances de ce cours, le mot migre dans le domaine politique à l'époque de la Révolution française, tout au long du XIXe siècle, et c'est la deuxième acception, qu'on retrouvera dans les activités des partis politiques, et plus particulièrement des partis ouvriers, qui sont les premiers qui font une propagande de masse, justement, car ils n'ont pas le pouvoir au XIXe siècle, qui est un siècle dominé par la bourgeoisie, ils doivent se servir de moyens de communication, justement, de masse, pour mobiliser les masses. Et puis, par les États, prise de conscience de la nécessité de gouverner les populations aussi sous l'angle de forme de persuasion par les États au XIXe et au XXe siècle. Donc déjà, deux exceptions, mais ce ne sont pas les seules. Par exemple, les guerres globales, les guerres totales du XXe siècle transforment la propagande, les activités de communication persuasive aussi en un outil indispensable en contexte de guerre. La guerre de masse, qui efface la distinction entre le front et la guerre, comporte la nécessité de mobiliser les populations, encore une fois, sous l'angle des formes de persuasion. D'où la nécessité de la propagande en situation de guerre, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, toutes les transformations dont on a parlé et qui concerne l'univers de la production, se répercute aussi sur l'univers de la consommation. L'émergence justement d'une production et d'une consommation de masse porte au développement de formes de communication de masse à des fins commerciales qui s'appelleront d'abord formes de réclame et ensuite de publicité et qui comporte la mobilisation de compétences bien particulières, mais qui sont finalement communes aux autres acteurs pour vendre des produits. Donc vous voyez que déjà l'idée de prendre du recul par rapport à cette notion habituelle de propagande et essayer tout simplement dans une chronologie vraiment essentielle de resituer ce concept dans la diachronie nous permet de voir que le concept de propagande n'est certainement pas un concept monolithique, il a à voir à plusieurs réalités. Et encore une fois, il faut bien le situer dans le contexte historique. D'ailleurs, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours, on assiste à la floraison de toute une littérature qui est consacrée aux techniques de propagande. Donc, aux méthodes pour atteindre l'objectif de la propagande, c'est-à-dire la persuasion. Et ces ouvrages sur les techniques de propagande nous permettent de voir que très souvent ces techniques sont des techniques transversales qui dépassent les frontières entre le politique, le religieux, le militaire, l'économique. Ce sont des techniques qui migrent. Et pour reprendre les catégories que j'évoquais tout à l'heure, si on se positionne aussi du point de vue de l'histoire des acteurs, on découvre que les individus migrent aussi d'un domaine à l'autre. Que certains publicitaires peuvent devenir des propagandistes. En contexte de guerre comme en contexte de paix. Et il est très important d'en être conscient. Lorsqu'on parle de propagande, on a tendance à penser au modèle qui est certainement connu par une partie d'entre vous, ceux certainement qui ont fait information et communication avant, le modèle qu'on appelle le modèle de la seringue hypodermique. Ça, c'est l'image canonique de la propagande. Non? L'idée selon laquelle les médias sont des outils tout puissants qui injectent des contenus dans la tête des individus d'une société de masse, donc individus atomisés, tous séparés, totalement passif vis-à-vis du pouvoir des médias. Ça, c'est une image de propagande qu'on retrouve dans le discours courant et dans le sens commun sur la propagande, mais en fait, notre mise en perspective peut nous permettre d'aller au-delà de cette image et de découvrir que, effectivement, les techniques de communication migrent d'un domaine à l'autre. Ici, on a un cas de propagande de guerre, propagande dans le domaine politique, migration entre des idéologies différentes. Et on voit les traces de ces migrations aussi dans les sources dans les sources, dans les témoignages des acteurs eux-mêmes. Pensez à ce passage, qui est un passage qui vient d'une revue de 1943, que j'ai trouvé dans les archives aux archives nationales de France, dans la documentation concernant le régime de Vichy. Et c'est le témoignage, c'est un article écrit par un publicitaire qui parle du rôle de la propagande dans la Révolution nationale, donc dans le régime de Vichy, et qui dit très clairement, avant la guerre, nous parlions de publicité, alors qu'il s'agissait de lancer des produits. Aujourd'hui, nous voulons lancer des idées, le terme est changé, les méthodes restent pourtant les mêmes, car enfin, dans les deux cas, ne faut-il pas faire agir dans un sens déterminé? Donc, des passages comme celui-là nous montrent bien qu'il est assez problématique de représenter la propagande, la publicité, comme des cloisons étanches. Si on se focalise sur les techniques, sur les acteurs, on est porté à voir les transferts de compétences. Si on se focalise uniquement sur les contenus, pas. Donc, nécessité de toujours complexifier. Ici, c'est un autre exemple. Ce sont deux affiches d'un dessinateur commercial qui s'appelle Boccasile, qui a beaucoup travaillé en Italie pendant l'entre-deux-guerres, surtout dans le secteur de la publicité commerciale, et qui, pendant la guerre, il met ses compétences au service du régime fasciste républicain qui s'est installé au nord de l'Italie. Comme on le voit dans cette affiche produite par la même personne, donc un publicitaire qui est un cher Ganos, qui travaille dans le domaine commercial et qui met ses compétences au service de la politique, d'un projet politique liberticide et tout le reste, dans le cadre d'un contexte de guerre. Okay. Donc il faut s'interroger sur ça. La propagande, ce n'est pas tout simplement travailler sur des choses immatérielles. Et bien évidemment, si on travaille sur la propagande, on travaille aussi sur les représentations. On travaille sur les représentations, on travaille sur les acteurs, on travaille sur les médias. Ici, c'est une affiche. C'est une affiche de 1946 du Parti communiste italien, destinée aux femmes. Il y a une volonté de masse. Une volonté de masse, c'est pour le référendum. Donc, il faut aller voter. Et dans cette image, on voit cette femme habillée en vert avec un drapeau rouge qui écrase une énorme pieuvre qui représente l'ignorance, le capitalisme, la pauvreté, l'oppression, etc. Le but est un but de communication, de mobilisation, qui essaye de véhiculer certains contenus en essayant de développer une communication efficace. Et il y a une conscience de la nécessité de récupérer des modalités de communication efficaces. Et lorsqu'on analyse cette image, si on l'analyse de manière isolée, sans considérer le contexte dans lequel elle est produite, on se limite à une approche descriptive. On voit le drapeau rouge, on voit qu'il y a les trois couleurs d'Italie, donc le blanc, du drapeau italien, mais on ne va pas au-delà. Si on commence par contre à croiser les perspectives que j'ai évoquées tout à l'heure, la question des acteurs, la question des contenus, la question des médias, l'affiche est un média de masse, par définition. Tous ceux qui passent devant une affiche sont touchés. On découvre que, effectivement, cette image récupère une série d'éléments iconographiques qui viennent de la tradition visuelle typiquement italienne. Par exemple, l'utilisation de l'image de la pieuvre qui vient de l'iconographie religieuse. Et il y a eu une énorme diffusion aussi pendant la guerre, mais qui rentre dans l'iconographie qui est de masse. Et récupère aussi une série d'images qui viennent de tout autre domaine. C'est le domaine des revues destinées au public féminin. Ça, c'est une revue, la couverture d'une revue qui s'appelle « Grandi Firme ». Qui représentait tous les jours une femme différente et qui se destinait justement à un public de femmes. Et on voit très bien qu'il y a une filiation, on voit très bien qu'il y a la récupération de ce média de masse, justement pour communiquer à la masse. Si on remplace les grandes firmes par le drapeau rouge et le vélo par la peur, on arrive à constituer cela. Les migrations d'images sont extrêmement fréquentes dans la culture de masse, car la culture de masse se base sur une mémoire visuelle qui est censée assurer l'efficacité de la communication. Il faut donc s'interroger sur tous ces aspects pour pouvoir analyser, disons, ce genre de support en connaissance. Donc ce cours essaiera de vous donner des outils pour pouvoir le faire, tout en essayant de vous donner des outils pour comprendre les textes théoriques qui abordent la communication. Et donc on va passer à la deuxième partie de la séance, qui est consacrée à l'analyse des sources. Et bon, comme aujourd'hui, il n'y avait pas de possibilité pour vous d'imprimer, car c'est la première séance, c'est moi qui ai imprimé en fait le texte qu'il faut lire, vous le faites en classe, donc on va le faire maintenant. Très rapidement, c'est un texte relativement court, en anglais, consacré à l'histoire du mot propagande. Je vous propose de prendre 15 minutes pour le lire, c'est et puis la demi-heure qui nous reste jusqu'à la fin de la séance, on discutera. Et j'essaierai de vous montrer comment je voudrais travailler avec vous d'ici pour les prochaines séances. Donc, si quelqu'un peut m'aider pour distribuer, je vous fais passer. Voilà. Merci bien. Thank you. début de la séance, j'ai parlé des objectifs du groupe, et donc vous avez vu que parmi les objectifs, il y a aussi l'idée de développer votre capacité à analyser de manière critique les sources théoriques sur la communication, les différents aspects de la communication. Alors, ici, on est confronté à une source assez particulière qui concerne l'espace du mot propagande. Alors, quelles sont mes attentes par rapport à ce travail et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors, dans cette partie d'analyse des sources, et c'est très important que vous soyez conscient de ce qu'on attend de vous, justement pour pouvoir travailler les sources comme il le faut. Moi, j'aimerais bien que vous appliquiez les éléments de base en fait, de la technique historique à ces sources qui sont quand même des sources assez particulières, c'est-à-dire des sources théoriques sur la communication. Donc, l'exercice est en apparence assez simple, mais effectivement, c'est un exercice qui demande de sortir aussi des sources que vous avez sous les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fera dans cette séance de manière très condensée et de manière avec plus de temps lors des prochaines séances? Alors, chaque source que vous avez et que vous aurez sur l'université virtuelle sera examinée de manière collective et sera soumise, selon l'attente, à une analyse et à une lecture active. Donc, lorsque vous lisez les sources, ce n'est pas certainement pas pour les apprendre par cœur. Même si on considère l'examen au-delà de l'objectif, ce n'est certainement pas d'apprendre par cœur les sources. Mais il faut en connaître bien le contenu. Il faut en connaître bien les arguments. Car il ne s'agit pas uniquement de comprendre et d'analyser le contenu, mais d'analyser la source en tant que source historique. Donc il faut comprendre le contenu, il faut comprendre la manière d'argumenter, il faut comprendre la nature des sources, les caractéristiques des sources, s'il s'agit de sources académiques, sources normatives, sources des témoignages, plutôt que savoir définir la nature de la source. C'est un exercice qu'on fera ensemble, donc je ne m'attends pas que la prochaine fois il y ait une contextualisation parfaite des sources que vous avez, mais en fait, il faut essayer de s'interroger lorsque vous lisez même à la maison, il ne faut pas hésiter, il faut travailler les textes. C'est pourquoi j'ai insisté au début et à la lumière de l'expérience des années précédentes sur le fait que ce n'est pas terrible de lire ces documents-là sur un écran d'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable de souligner, il y a peut-être des liens qui vous viennent à l'esprit avec d'autres sources qu'on a examinées, avec des choses que j'ai dites pendant les cours, des choses qui ont émergé de la conversation, de notre discussion. Donc, n'hésitez pas à faire un travail actif sur ces sources. En sachant qu'il faudra faire, et qu'en classe, on fera toujours une analyse interne et une analyse externe qui consistera à situer les sources dans leur contexte politique, social, culturel, médiatique, avoir des éléments sur l'auteur et faire une réflexion sur le public cible, ce qui participe à la définition des caractéristiques aussi internes. Pour savoir quelle est la nature de la source, il faut se demander à quelle est ainsi de suite. Donc, ça c'est comme une sorte de grille. De memento, une grille qui vous rappelle quelles sont les caractéristiques du travail méthodologique qu'on va faire sur les sources qui sont au programme dans le cadre de ce cours et qui sont toutes accessibles sur l'université virtuelle. Donc j'ai déjà mis les sources pour la prochaine séance, elles sont déjà accessibles. Alors, première chose, première question qu'on peut se poser par rapport aux documents que vous avez lus tout à l'heure. De quelle source s'agit-il? C'est quoi cet objet, ce texte que vous avez vu? Oui? Ça peut paraître évident, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas tout simplement question de s'approprier le contenu. Il faut aussi regarder où se trouve ce contenu, qui l'écrit. Ce n'est pas tout simplement, non seulement la communication médiatisée est l'objet de notre travail, mais aussi les sources théoriques. Donc, on va soumettre cette source théorique à une analyse. Quelle est la nature de la source? Document. Pardon? Ça vient d'un ouvrage. Êtes-vous sûr? Vous avez vu attentivement? C'est une revue. Ça vient d'un magazine, American Speech. Un magazine. C'est une revue plutôt. Une revue scientifique. Une revue scientifique. Donc on est déjà dans une revue scientifique. Ce n'est pas un ouvrage. J'ai projeté la référence bibliographique American Speech, il y a un volume, un numéro, etc. Publié dans JSTOR, donc qui est une plateforme d'archivage, vous les connaissez. Donc, on est plutôt dans le cadre d'une revue scientifique, American Speech, qui est une revue consacrée surtout à l'étude de la langue, de l'anglais, revue américaine, comme le nom l'indique, assez interdisciplinaire, qui est une revue assez importante dans le domaine des études linguistiques, fondée en 1925, donc elle a une longue histoire. Et c'est important qu'on se rende compte de le texte, le co-texte. On est dans le cadre d'un article publié dans une revue scientifique. Ce n'est pas un pamphlet de propagande, ce n'est pas de la narrative, c'est une revue scientifique. Dans quel contexte cet article est-il produit? C'est un article récent? Non. 1959. Donc attention, c'est un article scientifique, il faut en être bien conscient, mais qui est publié dans un contexte particulier. On est aux États-Unis en 1959. Pardon ? La guerre froide. Très bien. On est dans un contexte, effectivement, de guerre froide. Il y a plein de choses. Si on veut évoquer les événements de 1959, c'est l'année de la révolution cubaine. Khrushchev aux États-Unis a plaidé pour la coexistence pacifique des systèmes capitalistes communistes. Et dans ce contexte, 1959, contexte de guerre froide où la propagande joue un rôle essentiel, la guerre froide est une guerre pour gagner les cœurs et les esprits. Donc la dimension de la propagande représente une dimension constitutive de la guerre froide. On y consacrera une séance. Mais la propagande est une question d'actualité dans ce contexte. Donc la revue scientifique, American Speech, consacrée à la langue, se focalise sur une question d'actualité. Et cet auteur, il y a un auteur aussi, essaye de situer une problématique qui est au cœur de l'actualité dans une dimension historique sur un aspect particulier. De quoi parle-t-on dans cet article? De quoi parle-t-on? De la conception du mot propagande. Oui. De l'utilisation du mot propagande au cours de l'histoire, plutôt à partir de son utilisation religieuse qu'on a parlé du coup, jusqu'à la fin du film, mais avant la guerre. Donc on parle de l'utilisation du mot. C'est important de se focaliser sur cet aspect parce que ce n'est pas un article sur la propagande au sens large. Hein. On ne parle pas de médias, on parle d'un mot. Le mot propagande. Donc la propagande en tant que manière de nommer certains événements, certains faits, certains activités. On reviendra sur le contexte de cette histoire. Alors pour ce qui concerne l'auteur, si vous n'avez pas eu le temps de sortir du texte et de vous renseigner sur cet auteur, mais en fait l'auteur est un licencié en sociologie qui a travaillé pour l'armée américaine, qui a fait des travaux en tant que conseiller de pédagogie, il est chargé de recherche à l'université. C'est un jeune chercheur, c'est pas du tout un chercheur confirmé. Et c'est un jeune chercheur qui, par la suite, ne publiera pas des recherches qui ont marqué l'histoire du livre. Dans cet article, se focalise sur une question d'actualité qui l'intéresse, qui a visiblement des compétences en linguistique et en sociologie. dans cette recherche se focalise sur l'histoire du mot propagande en lien avec les autres transformations idéologiques et culturelles. Alors, je disais tout à l'heure la question du contexte. C'est vrai que c'est l'histoire de la propagande, un peu comme on l'a vu avant. Mais il y a quand même une différence, car cette histoire se déroule dans un contexte de langue bien particulier, dans un frame, un cadre bien particulier. Et alors, je vous pose une question. S'agit-il, à votre avis, d'une histoire universelle du mot propagande? En anglais, tout à fait. Donc, c'est l'utilisation du mot, c'est pas l'histoire de la propagande, c'est de l'usage du mot en anglais. Et dans un contexte spécifique qui est celui de l'histoire des États-Unis et du monde anglo-saxon. C'est-à-dire que même le lien avec les transformations idéologiques et culturelles est en relation avec l'histoire du contexte dans lequel le chercheur écrit. Le contexte également de la revue dont on parle, c'est-à-dire la revue American Speech. Donc, ça c'est un travail de contextualisation de base qu'il faut faire pour n'importe quel public. Comprendre l'approche. Ce n'est pas l'approche des acteurs, ce n'est pas les contenus, mais c'est l'approche de la langue. Quels sont les intérêts? Quel est le contexte? Vous voyez une source scientifique théorique. Les sources scientifiques et théoriques ont également une histoire. Et il faut la situer dans le contexte et dans les intérêts du présent dans lequel elle se développe. Si on regarde le contenu de l'ouvrage, on voit que l'ouvrage de l'article, on voit que plusieurs étapes sont indiquées dans les transformations dans l'histoire du mot. D'abord une connotation biologique, ensuite une connotation religieuse, puis les interrogations sur la première occurrence en anglais, et puis l'émergence d'une connotation politique qui est datée ici au milieu du 19e siècle, pour ce contexte particulier dont on parle du frame de cette revue et des études sur la langue. Pour arriver ensuite à l'explosion du mot avec la connotation politique et militaire qui est typique de la guerre mondiale, qui fait émerger aussi la connotation négative. Il y a un contenu important qui émerge de cet article, c'est-à-dire l'idée, sur laquelle on reviendra bien évidemment, d'un changement dans la valeur de la propagande elle-même. La propagande, pendant une partie très importante de son histoire, et le mot propagande n'a pas d'acception négative. Ce n'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale, de manière massive et évidente, que le mot commence à tomber en disgrâce. Un historien français qui s'appelle Fabrice Almeida parlera, écrira ici une histoire de ce mot en tant qu'histoire d'un mot disgracié. C'est-à-dire un mot qui avait une belle connotation, qui était positive et qui devient tout à coup un mot avec une connotation forte. Le chercheur donc essaye de retracer l'histoire de ce mot et il arrive jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il constate l'existence d'une professionnalisation, donc son analyse du mot ne fait pas abstraction des transformations, par exemple professionnelles, des transformations politiques. Est une histoire qui essaye de situer ce mot dans son contexte, mais comme on le disait tout à l'heure, est une histoire qui doit être bien contextualisée. Ce n'est pas une histoire universelle. Et si vous pensez aux événements qui sont évoqués dans cette courte chronologie, vous constaterez probablement l'absence d'événements qui, à partir d'un autre point de vue, par exemple un point de vue européen, seraient certainement essentiels dans une histoire. parle de la connotation religieuse. Et puis, on arrive rapidement à la connotation politique, mais en oubliant, et ce n'est pas du tout un oubli, c'est tout simplement que du point de vue du chercheur qui écrit cet article, ce n'est pas l'élément le plus pertinent. On oublie un élément monstre de l'histoire, la Révolution française. La Révolution française n'est pas du tout évoquée dans cet article. Pourquoi ? S'agit-il d'une erreur ? C'est que les sources scientifiques, théoriques, sur la communication, comme sur toute autre chose, dépendent aussi des interrogations, des intérêts de ceux qui les produisent. Et donc, pour ce chercheur américain, jeune chercheur qui fait l'histoire du monde en 1959, ça ne l'intéresse pas à lui, il s'intéresse à son contexte. Si on lit, et je vous mettrai sur l'université virtuelle comme une lecture complémentaire, l'article écrit plusieurs années plus tard par Fabrice D'Almeida, Propagande de l'histoire d'un monde disgracié, on ne retrouve pas l'importance de la Révolution française et dans la sécularisation du monde, on trouvera l'importance de l'histoire du mouvement ouvrier dans l'usage positif du monde, et on trouvera une autre histoire. Donc vous voyez que la manière même d'écrire l'histoire d'un aspect qui peut paraître marginal et très petit, l'histoire d'un simple mot, change radicalement selon le contexte politique. Vous suivez ? Et donc, c'est ce type de travail mis en contexte, des théories, pas uniquement de l'histoire du mot, ici c'était un micro-exemple, juste un guise d'introduction, qu'on essaiera de faire dans les prochaines séances. Bien évidemment, en essayant de comprendre aussi sur quelles sources se basent les théories, quels sont les éléments factuels, théoriques qui sont évoqués. Donc, l'importance aussi, non seulement du contexte historique général, etc., mais le contexte scientifique. Comme je l'ai dit au début, l'un de mes objectifs est aussi de nous habituer à ne pas faire d'anachronisme. Même lorsqu'on analyse des théories sur la communication, on analyse les médias, il est indispensable de faire ce travail de contextualisation, et c'est ce qu'on essaiera de faire dans le cadre de ce cours et aussi dans la prochaine séance qui sera consacrée à l'émergence de la foule et du public, pour laquelle vous devez préparer deux lectures. La première de Gustave Le Bon, que j'ai évoqué rapidement aujourd'hui. C'est un article tiré de la psychologie de foule, donc vous aurez l'occasion de lire ce best-seller dont tout le monde parle et qui est souvent évoqué dans toutes les théories de la communication du 20e siècle. C'est l'occasion de lire cette source. Et ensuite, vous lirez aussi un grand classique de l'un des écrits qui fonde la psychologie sociale, et c'est le chapitre consacré au public, à la foule et à l'opinion et à la conversation de Gabriel Tarr. On va s'arrêter ici, donc on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder Géol, ce sera à 8h, mais le local.